Et voici maintenant une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Alan Turing, la Blanche-Neige des mathématiciens. Alan Turing est reconnu aujourd'hui comme le premier théoricien de l'intelligence artificielle, celui qui, d'une certaine façon, est à l'origine de nos ordinateurs actuels. Né à Londres le 23 juin 1912, le jeune Alan fait très tôt preuve de capacités bien au-delà de la moyenne, et tout particulièrement en mathématiques, capacités qui l'amènent tout droit au King's College de Cambridge, puis à l'Institute for Advanced Studies de Princeton, où il étudie sous la direction d'Alonzo Church. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing travaille comme crypto-analyste, c'est-à-dire déchiffreur de codes secrets, à Bletchley Park et contribue au décodage des deux systèmes Enigma et Lorenz mis au point par les nazis. Après la victoire des Alliés, il occupe un poste d'enseignant au département de mathématiques de l'Université de Manchester et poursuit ses recherches en intelligence artificielle. On reconnaît donc bien du talent à ce mathématicien prodige dont l'avenir universitaire semble assuré. Mais malheureusement, Alan Turing porte une croix, un fardeau, une tare, qui s'appelle l'homosexualité. Et l'Angleterre du milieu du XXe siècle en fait encore un crime. Crime dont avait d'ailleurs déjà été accusé l'écrivain Oscar Wilde une cinquantaine d'années plus tôt. Le 31 mars 1952, le mathématicien doit donc faire face à la justice, en même temps que son amant, Arnold Murray. Alan Turing se voit alors proposer deux alternatives, soit l'incarcération, soit la castration chimique par œstrogène. Il choisit la deuxième. Deux années passent, Alan ne semble pas éprouvé outre mesure, ni par le procès, ni par le traitement, qui est d'ailleurs terminé, et n'a pas eu l'effet escompté, puisque la libido est toujours présente face aux jeunes hommes. C'est donc tout un choc lorsqu'il est trouvé mort dans son lit en fin d'après-midi du mardi 8 juin 1954. Le décès remonte à la veille et l'autopsie conclut à un empoisonnement au cyanure. On retrouve d'ailleurs dans la maison un pot de cyanure de potassium et une pomme entamée près du lit. Bien qu'il n'y ait pas eu d'analyse de la dite pomme, il semble évident qu'elle a servi de vecteur à l'intoxication, exactement comme celle qu'avait croquée Blanche-Neige et que la sorcière avait auparavant trempée dans le poison. La thèse du suicide est retenue comme la plus probable, même si la mère de la victime est convaincue qu'il ne s'agit en fait que d'un accident. Une mise au point pour terminer, beaucoup pensent que le logo de la firme Apple, une pomme croquée sur un côté, a été créé pour rendre hommage à Alan Turing et rappeler les circonstances de sa mort. Rob Janoff, l'inventeur de ce logo, ainsi que les dirigeants de la compagnie, affirment qu'il n'en est rien. Vous venez d'entendre une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou.